Nous possédons en nous une autorité divine qui nous permet de dire non à la tentation, au péché et au diable. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Quand nous avons été sauvés pour nous joindre à la famille de Dieu, nous avons compris, pour la plupart, que la vie serait désormais différente. Nous avons alors décidé de prendre la responsabilité d'effectuer les changements que nous considérions nécessaires. Cependant, il existe un léger problème avec ce genre d'approche. Elle nous mènera irrémédiablement à l'échec. Dieu nous a conçus pour ne rien pouvoir accomplir sans lui. C'est pourquoi il nous a donné son Saint-Esprit. Cela veut dire que si nous dépendons du Saint-Esprit, nous ne pécherons plus jamais? Bien sûr que non, mais nous ne vivrons plus dans les défaites, car nous dépendrons de Dieu. Écoutez Charles Stanley nous expliquer comment entretenir une vie remplie de l'Esprit, aujourd'hui à En Contact. De temps à autre, des gens marcheront dans l'allée en réponse à l'appel du dimanche matin ou du dimanche soir. Je leur demande parfois « Avez-vous déjà été sauvé ?» Et ils répondront quelque chose comme « Je l'étais, mais je ne le suis plus. » Cela implique qu'ils ont déjà été sauvés par la grâce de Dieu, mais que, d'une façon ou d'une autre, ils n'ont même pas été en mesure de maintenir cette relation de salut. Et aussitôt que j'entends cela, je sais immédiatement où se situe le problème. Si cette personne a vraiment et réellement été sauvée, on ne lui a pas bien enseigné. Car si c'était le cas, elle saurait que si Jésus-Christ est mort pour ses péchés et que ses péchés sont pardonnés en vertu du sang de notre Sauveur, la responsabilité de maintenir cette relation appartient à Dieu et non pas à elle. Car le salut n'est pas la conséquence de notre performance. Il est le résultat de la performance de Christ au calvaire. Et quand nous le recevons personnellement, comme notre Sauveur, nos péchés sont pardonnés pour de bon. Ils sont pardonnés une fois pour toutes. Le salut est le don de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'entretien de ce salut dépend de Dieu et non du croyant. Or, si on me demande « Que faites-vous de la plénitude du Saint-Esprit ? » Si je suis rempli de l'Esprit, cela veut-il dire que je le resterai à jamais ? Voilà où se situe la nuance. Quand nous parlons d'une vie remplie de l'Esprit, nous ne parlons plus de la même chose. Dieu se charge de maintenir mon salut, mais je suis responsable de ma marche remplie de l'Esprit. Dans ma relation avec le Saint-Esprit, je suis responsable, par la foi, du maintien de ma vie remplie de l'Esprit. Il est par ailleurs intéressant de constater que dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, il nous dit d'être remplis du Saint-Esprit. Cela signifie que nous devons nous soumettre et nous assujettir à lui dans une marche quotidienne et incessante de soumission, de dépendance, de sensibilité et d'obéissance envers le Saint-Esprit si nous voulons marcher avec lui. Comment nous assurer de maintenir notre cadence? Nous recevons le Saint-Esprit le jour de notre conversion. Nous ne recevrons jamais davantage de Saint-Esprit qu'en cette occasion. Et une fois sauvés par la grâce de Dieu, la question n'est pas de savoir dans quelle mesure nous possédons le Saint-Esprit, mais plutôt dans quelle mesure il nous possède. Et cela dépend de la mesure pour laquelle nous sommes prêts à lui soumettre notre vie. Si vous avez votre Bible à portée de main, tournez avec moi dans Galates au chapitre 5. L'apôtre Paul nous y parle d'abord de la plénitude du Saint-Esprit et ensuite de la marche selon l'Esprit. Commençons notre lecture au verset 16. « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et il nous donne un autre détail au verset 18. « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » L'apôtre Paul dit un peu la même chose dans Romains chapitre 8, verset 14. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » On remarque qu'il n'a pas dit « diriger », mais « conduit ». Car le Saint-Esprit ne nous dirige pas de l'extérieur comme un chef d'entreprise. il nous conduit de l'intérieur, comme lorsque nous conduisons un véhicule. Il est le guide qui habite en nous. Il est venu pour nous réconforter et nous enseigner. La marche spirituelle est donc un mode de vie. Elle consiste en une relation se renouvelant à chaque instant avec le Saint-Esprit qui nous guide et conduit notre vie. Le fait d'avoir ou non une vie remplie du Saint-Esprit dépend de nous, même si la responsabilité de notre salut revient à Dieu. Jésus décrit d'une manière imagée cette distinction dans l'Évangile selon Jean chapitre 10, les versets 27 et 28. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » La Bible ne mentionne nulle part qu'une fois rempli de l'Esprit, vous devez toujours le demeurer. Car à chaque fois que nous décidons de pécher contre Dieu, de se détourner de sa volonté ou d'en faire à notre tête, nous décidons en cette occasion de dire au Saint-Esprit « Cette fois-ci, j'agirai à ma manière. » Or, il n'existe aucune façon de vivre en désobéissant à Dieu tout en préservant notre plénitude du Saint-Esprit. Le but de ce message est de vous enseigner comment entretenir une vie remplie de l'Esprit. Nous verrons comment nous pouvons marcher jour après jour dans la plénitude du Saint-Esprit. Je ne prétends pas savoir comment ne plus jamais pécher, ni comment ne plus jamais désobéir à l'Esprit. Je ne crois pas que nous puissions perdre le Saint-Esprit, mais notre attitude peut être inadéquate ou notre relation avec lui peut passer à côté de l'intention de Dieu pour notre vie. Nous devons donc savoir comment demeurer autant que possible dans la plénitude du Saint-Esprit. La question est d'abord de savoir ce qui nous empêche d'être remplis du Saint-Esprit et de marcher avec cette plénitude dans un état de dépendance envers lui. Cet obstacle se décrit par un mot tout simple, le péché. Quand nous décidons de pécher contre Dieu, nous prenons la décision de refuser la direction et la conduite du Saint-Esprit. Nous nous détournons d'une marche à chaque instant effectuée sous la dépendance du Saint-Esprit. En un mot, nous décidons de pécher contre Dieu. Or, si le péché est à la racine du problème, nous devons alors savoir comment nous devons réagir face au péché. Nous pourrions nous étendre longuement sur le sujet, mais je tiens surtout à être très clair sur deux choses très importantes, très concrètes et terre à terre. Nous devons savoir comment régler le problème d'un péché venu dans notre vie après que nous ayons cédé à la tentation. Nous nous arrêterons d'abord dans l'Épître aux Romains au chapitre 6, car nous devons nous rendre compte que, si nous voulons réagir adéquatement face au péché, nous devons comprendre quelle relation nous avons avec le péché. On pourrait penser qu'il s'agit là d'une question simple, et que tout ce que nous avons à faire, c'est de confesser notre péché et de nous en repentir. Or, qui d'entre vous a obtenu la victoire face à un péché après s'en être confessé et repenti? Car vous voyez, la victoire ne vient pas avec la confession et la repentance. Ce sont deux pas dans la bonne direction, mais pour obtenir la victoire, nous devons être en mesure de comprendre certaines choses. Car sans elles, nous finirons toujours par répéter les mêmes transgressions et les mêmes erreurs pour nous retrouver dans une relation déficiente avec Dieu, au point que nous serons tentés d'abandonner en disant « Je comprends la signification de la marche dans l'esprit, mais je suis incapable de l'appliquer dans ma vie. » Et comment pouvez-vous savoir que vous en êtes incapable? Parce que j'ai essayé tant de fois et cela ne fonctionne jamais. La première étape consiste donc à connaître exactement la nature de notre relation avec le péché. Nous pouvons obtenir de précieux éclaircissements dans Romains chapitre 6, versets 11 à 14. Verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Quand l'apôtre Paul parle d'être mort au péché, cela signifie être mort à la séduction du péché. Nous pouvons ensuite observer deux interdictions au verset 12. « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Que le péché ne règne donc point, ou, en d'autres mots, arrêtez de laisser le péché diriger, guider, dominer votre vie. Arrêtez d'agir ainsi. Ensuite, au verset 13, ne livrez pas vos membres au péché, c'est-à-dire, ne laissons pas nos corps physiques en proie. Verset 13, toujours, au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Souvent, les gens liront ce passage de Romains, chapitre 6, et ils vous diront qu'ils en comprennent très bien le sens, mais qu'ils ne le trouvent pas très pratique. Dieu manquerait-il de sens pratique? Non! Dieu nous donnerait-il quelque chose d'insuffisant en ce sens? Non! Nous donnerait-il quelque chose qui ne peut pas fonctionner? Non! Nous conduirait-il sur une fausse piste? Non! Nous encombrerait-il d'une terminologie religieuse pour le simple plaisir de la chose? Non! Mais il veut décrire ici les avantages que nous pouvons retirer du ministère de Jésus-Christ sur la terre et de son sacrifice à la croix. Car le sacrifice de Jésus-Christ à la croix a complètement transformé notre relation avec le péché. Poursuivons notre lecture au verset 14. « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Sautons maintenant au verset 18. « Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Avant de recevoir personnellement le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous étions esclaves du péché. Nous étions tentés et, malgré nos plus beaux efforts et nos promesses les plus sincères à Dieu, nous succombions quand même. Avant de recevoir Jésus, le combat était inégal, car il nous opposait au diable et nous n'étions pas de taille. C'était sa puissance contre notre faiblesse. Nous n'avions aucune chance de l'emporter. Nous vivions dans la défaite. Et même après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ, si personne ne vous instruisait en vous disant « À partir d'aujourd'hui, votre relation envers le péché est complètement transformée. Satan pouvait continuer à vous tenter et vous aviez tellement l'habitude de céder face au péché qu'il s'en tirait encore avec la victoire. Vous pensiez « Je suis tellement faible, je semble incapable de résister. » Avec toutes ces années d'échecs et de désobéissance, avant de connaître Dieu, vous aviez pris l'habitude de céder à la tentation et vous avez continué de le faire après votre conversion parce que vous ne compreniez pas la transformation de votre relation avec le péché. Et même si vous aimeriez bien être rempli du Saint-Esprit et marcher en lui étant soumis, cela vous semble au-delà de vos possibilités, car vous vous estimez trop faible. Pourquoi? Parce que Satan vous a menti sur votre faiblesse, en vous laissant croire que vous n'y pouviez rien. Nous sommes effectivement faibles par nous-mêmes, mais nous devons nous rappeler que nous avons maintenant accès à la puissance du Saint-Esprit, et cette puissance intérieure, cette présence de Dieu en nous, par son Saint-Esprit, nous permet de devenir et d'accomplir tout ce que Dieu veut. Le péché constituerait-il alors une exception? Serions-nous capables d'accomplir la volonté de Dieu, de le servir et d'exercer nos dons spirituels tout en restant devant le péché sans défense et assujettis à son pouvoir dominateur, tout comme nous l'étions avant notre conversion? Absolument pas. Revenons à Romains chapitre 6, verset 14. « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Paul affirme que le péché n'aura point de pouvoir sur nous. Comment Dieu pourrait-il nous transmettre cette vérité dans sa parole si, premièrement, nous ne sommes pas obligés de nous laisser dominer par le péché et si, deuxièmement, Dieu ne veut pas nous laisser en proie à l'esclavage du péché? Et si cela est exact, il doit nous avoir donné des dispositions qui nous permettent d'annuler le pouvoir du péché sur nous. Si une personne pense qu'elle ne peut pas échapper à l'esclavage du péché dans sa vie, elle se trompe, car elle le peut si elle le veut. Elle peut parvenir à un point dans sa tentation où elle ne peut s'empêcher de penser « Je ne peux pas, c'est plus fort que moi ». Je comprends cela, mais en réalité, nous ne sommes pas obligés de céder et en plus, dans Romains chapitre 6, verset 18, il est écrit « Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice ». On ne saurait être plus clair. Nous avons été libérés du pouvoir dominateur du péché. Nous devons donc nous rendre à l'évidence. Pour qu'un croyant succombe au péché, il doit y consentir. Si je le désire, si je le décide, si j'y consens, je commettrai certainement un péché, mais je n'y suis plus obligé. Et nous voyons là la différence fondamentale entre le croyant et l'incroyant. Mais si en faisant le bilan de votre vie, vous dites « Tout ce qu'on m'a dit après ma conversion, c'est qu'en recevant Jésus-Christ dans mon cœur, j'étais sauvé. Et pourtant, je restais avec les mêmes problèmes. J'ai beau essayer de me rappeler. Je ne pense pas que quelqu'un m'ait dit qu'au moment de recevoir Jésus, ma relation avec le péché changeait. Et pourtant, c'est vrai. La puissance du péché a été brisée dans votre vie. Elle a été brisée à la croix par Jésus. Et quand vous l'avez reçue, la puissance du péché a été brisée dans votre vie. À partir de ce moment, le péché n'a plus été capable de dominer sur vous, à moins d'obtenir votre permission. Nous devons comprendre le prochain point. Si nous voulons savoir comment régler la question du péché dans notre vie afin de pouvoir marcher dans l'esprit et de pouvoir conserver les bénédictions déjà accordées par Dieu dans notre vie, nous devons comprendre cette relation nouvelle avec le péché, car désormais, nous ne sommes plus sous son contrôle. On me demande parfois, « Cela veut-il dire que je peux vivre sans être sous l'esclavage du péché ?» Et la réponse est « Vous le pouvez en autant que vous marchiez en obéissant à Jésus-Christ. » Ce qui nous amène, bien sûr, à la prochaine question. Comment puis-je marcher en obéissant à Jésus-Christ? Personne ne le sait au juste. Or, vous pouvez vivre plus longtemps sans commettre de péché, même si vous ne le réalisez pas. Malheureusement, nous sommes parfois endoctrinés avec des pensées tendancieuse. Prenons par exemple celle-ci. Je suis un pécheur sauvé par grâce. Cela paraît bon à première vue, car Dieu est bien sûr gracieux. Or, en réalité, nous sommes des saints qui succombons parfois aux tentations et aux pièges du diable. Car il n'y a qu'un pas entre penser que nous sommes des pécheurs sauvés par grâce et nous attendre à pécher en pensant qu'après tout, cela fait partie de la vie. Dieu s'y attend certainement puisqu'il m'a déjà pardonné par la croix. Pourquoi s'inquiéter alors? Le seul problème avec ce genre de raisonnement, c'est qu'une personne qui se considère comme un pécheur sauvé par grâce ne vivra pas dans la sainteté. Elle se considère comme étant une victime sans défense, une proie facile pour le péché et Satan, même si elle fait de son mieux et se débat contre le péché sans jamais parvenir à en triompher. Quel intérêt y a-t-il à vivre dans le péché? Il n'y a en cela aucune victoire. Essentiellement donc, le péché est un élément étranger dans la vie du croyant. Il jure avec notre vie renouvelée. Il n'a aucun rapport avec notre nouvelle vie et en vérité, notre bénédiction de l'aide du Saint-Esprit qui nous donnera de l'enseignement et la puissance d'éjecter le péché hors de notre vie. En résumé, nous pouvons commencer par comprendre quelle relation nouvelle nous avons avec le péché. Paul nous affirme que nous sommes maintenant affranchis de sa puissance. Il n'a plus ni le droit ni l'autorité de régner sur nous. Et s'il persiste à le faire, c'est seulement parce que nous ne lui permettons et parce que nous l'avons décidé ainsi. Voilà pour la première étape. Nous pouvons maintenant passer à la deuxième étape de notre combat contre la domination du péché. Nous y consacrerons beaucoup de temps. Nous pourrions caractériser cette étape avec la pensée suivante. Nous devons reconnaître que notre pensée est le champ de bataille du péché. C'est là où tout se joue. où la bataille se gagne ou se perd. Beaucoup de gens pensent que la bataille commence lorsqu'ils sont tentés de faire quelque chose de mal, et assurément, la guerre continue à ce niveau. Mais elle n'y commence pas. Penchons-nous un moment sur cette question, en consultant le 8e chapitre de l'Épître aux Romains, verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, c'est-à-dire ceux qui vivent sous l'impulsion de leurs désirs pécheurs, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent ou marchent selon l'esprit s'affectionnent ou concentrent leur attention et leur pensée aux choses de l'esprit. Verset 6. Et l'affection de la chair ou du péché, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Avez-vous remarqué? Paul ne nous dit pas de nous affectionner à l'esprit, mais de nous affectionner aux choses de l'esprit. Car l'affection aux choses de l'esprit incite notre pensée à obéir à Dieu, à lui faire confiance, à nous laisser conduire par le Saint-Esprit et à nous laisser remplir par lui. En nous concentrant sur les choses bonnes et saines, nous nous concentrons sur des choses qui vont bien avec notre nouvelle identité de croyant. Quand nous revêtons cette nouvelle identité en Jésus-Christ, nous recherchons des vêtements qui vont avec cette nouvelle identité. Et quels vêtements sont dépareillés par rapport à notre nouvelle identité? Ce sont les choses de la chair, convoitise, jalousie, envie, haine, mépris, division. Elles ne vont plus avec les personnes que nous sommes devenues, car la Bible affirme que nous sommes maintenant de nouvelles créations en Christ, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'Esprit de Dieu est venu en nous pour y habiter et vivre la vie de Christ en nous et à travers nous. Le caractère produit en nous par la présence du Saint-Esprit est celui de Jésus-Christ. Il s'exprime par l'amour, la joie, la paix, la gentillesse, la bonté et tout le reste. Nous pouvons aisément comprendre pourquoi la convoitise, la jalousie, l'avidité, la médisance, le vol, le mensonge, la tricherie et tous les péchés imaginables ne vont plus avec les personnes que nous sommes devenus. Nous devons donc nous affectionner aux choses de l'esprit, ou comme Paul le dit d'une autre manière dans Galates chapitre 5 verset 16, je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En d'autres mots, si nous marchons en étant dépendants de lui, si nous nous appuyons sur lui et si nous sommes sensibles à sa présence et à ses incitations, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Nous vivons tous pour le moment dans des corps humains. Nous avons les désirs naturels que Dieu nous a accordés. Il n'y a rien de mal à éprouver des désirs. Ils sont bons en autant que nous restons à l'intérieur des limites fixées par la parole de Dieu pour notre protection. Pour les cas particuliers, une vie d'obéissance et de soumission au Saint-Esprit nous protégera des pièges et des embûches de la vie. Prenons un exemple, la nourriture. Il n'y a rien de mal à manger, car cela fait partie des exigences de notre corps. Dieu nous a donné un corps qui doit s'alimenter pour survivre. Cependant, vous pouvez vous affamer à n'en mourir, et vous pouvez manger à n'en mourir. Ces deux extrêmes constituent tous deux des actes de désobéissance. Plusieurs parties de notre corps peuvent être abusées de cette manière pécheresse. Or, si nous marchons par l'Esprit, c'est-à-dire en lui étant soumis, nous n'accomplirons pas les désirs pécheurs de la chair. Habituellement, les gens comprennent cela sans trop de difficultés. Malgré cela, ils succombent quand même à la tentation. Nous allons maintenant voir pourquoi. Le problème se situe à l'étape de la bataille avant la bataille. Nous devons comprendre que la vraie bataille ne commence pas quand la tentation se présente et que nous avons à choisir. Vais-je y succomber ou non? La plupart des gens pensent que la bataille de leur pensée débute à ce moment. Voilà pourquoi nous sommes vaincus si souvent et pourquoi nous perdons la joie d'une vie remplie de l'esprit. Nous pensons être encore en train de nous battre quand en réalité nous avons déjà perdu, sans même réaliser que nous sommes fin prêts à nous faire écraser par le diable. Que voulons-nous dire par la bataille avant la bataille? Simplement que nous devons apprendre à régler la question de nos pensées avant qu'elles ne deviennent un problème. Les mauvaises pensées ne sont pas un péché en elles-mêmes, car le diable nous en envoie une quantité considérable chaque jour. Cependant, quand une mauvaise pensée se pointe à l'horizon de notre conscience, nous devons immédiatement déterminer ce que nous allons faire avec. Allons-nous jongler avec, la décortiquer, l'analyser ou y opposer sans attendre notre droit de veto avant de lui indiquer promptement le chemin de la sortie? Si je marche dans l'esprit, tout ce qui va dans un sens contraire à ma soumission, ma dépendance, ma confiance et ma sensibilité au Saint-Esprit ne me convient plus. La bataille commence donc bien avant notre choix de succomber ou non à la tentation. Elle commence avec une pensée. Et plus nous nourrissons une pensée mauvaise, plus nos chances de gagner cette bataille diminuent. La bataille est souvent terminée avant même que nous le réalisions. Avant même que la bataille de l'action ne commence, la bataille de la pensée fait rage. Allons-nous entretenir cette pensée ou non? Personne n'a à vous dire à quoi une mauvaise pensée ressemble ou la tactique favorite de Satan pour vous faire trébucher. Quelle qu'en soit la nature, vous devez réagir au moment même où cette pensée surgit dans votre esprit. Allez-vous la caresser ou la chasser? Il n'en tient qu'à vous. Vous n'êtes plus obligé de céder un mètre de terrain au péché, car il n'est plus votre maître, comme l'affirme Romains chapitre 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Nous avons été affranchis de la puissance du péché. Charles Stanley nous a rappelé que le péché ne domine plus sur nous. Jésus-Christ nous a libérés de la puissance du péché lorsqu'il est mort sur la croix. Nous avons donc maintenant le pouvoir de résister aux pensées malsaines. Apprenons donc à identifier rapidement ces pensées et à les rejeter en nous affectionnant aux choses d'en haut. Il n'est pas toujours facile de différencier les incitations du Saint-Esprit des tromperies de Satan. Mais la première épître de Jean, chapitre 4, versets 1 et 2, nous donne de précieux conseils. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Témoignez-vous de votre foi? L'émission d'aujourd'hui vous a plu? Vous aimeriez en savoir plus? Aujourd'hui, l'Espoir offre aux assoiffés de la source de vie qui est en Jésus-Christ une occasion unique de parfaire leur connaissance de la Bible. Vous pourrez suivre ces cours sans avoir à vous déplacer dans le confort de votre foyer. Téléphonez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou allez sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en contact et une production de Radio Espoir.